بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم سندخل في السؤال الثاني عشر من الكتاب. La deuxième question de ce livre. On n'est pas certain car elle se répète. يقول المؤلف سئل الشيخ رحمه الله تعالى لدينا أشخاص يحلفون بالطلاق في كثير من مناقشتهم ويرددون علي الطلاق أن تعمل كذا أو أن تخرج إلى كذا، مع العلم أن كل منهم متزوج، فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة وحالة أم لا؟ Donc il a dit, il est interrogé qu'il y a des gens chez nous qui jurent par le divorce dans beaucoup de leurs débats, leurs échanges. D'accord ? Ils répètent cela. Par exemple, ils disent, si tu fais telle chose, alors je divorce. Ou alors, si tu sors à tel endroit, alors je divorce. Tout en sachant que tous ceux qui discutent dans ce débat sont tous des gens mariés. Donc, est-ce que le divorce a lieu à ce moment-là ou pas ? Est-ce que le divorce a lieu dans cette situation ou pas ? فقال أجاب رحمه الله تعالى إن هذا السؤال يتضمن سؤالين. Donc cette question en réalité englobe deux questions. Il y a deux questions en vrai. السؤال الأول هل هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم وهؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Donc il a dit déjà la situation de ces gens, des soufahas, c'est-à-dire des gens faibles d'esprit et cervelés, qui lâchent leur langue sur le divorce en toute situation, soit les choses importantes ou futiles. Et cela transgresse l'ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est de jurer par Allah, ou de se taire. فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ولا ينبغي أيضا أن يكسر من الحلف ولا بالله تعالى لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. Donc il a dit maintenant ce qu'il faut, c'est que le musulman, lorsqu'il jure par Allah, il ne faut pas qu'il use de cela à outrance, qu'il exagère, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit mesuré dans ses serments. Il ne faut pas qu'il jure à tout va. Dans le sens où Allah dit et préservez votre serment. Al-Ma'idah, Tabu Sahih, verset 89. ومن جملة ما فسرت به أن المعنى لا تكسر الحلف بالله. Et parmi les tafasir donnés de ce verset là, c'est que il ne faut pas jurer en permanence. أما أن يحلف بالطلاق مثل علي الطلاق أن تعمل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل كذا أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق وإن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من السياق فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc maintenant il dit, maintenant eux ces gens, leur serment qu'ils jurent en disant si tu fais telle chose alors je divorce, si tu fais telle chose, c'est-à-dire en parlant avec son interlocuteur, il ne parle pas à sa femme là, la personne parle à son interlocuteur, ils ont un échange tous les deux et dit à son interlocuteur si jamais tu fais telle chose je divorce ma femme. La femme est divorcée, et ainsi de suite. Et autre parmi les formules qui y ressemblent. Donc cela, Tayyib, est en opposition à ce qu'a indiqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَلْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُ إِذَا حَنِثَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْزِمُهُ وَتُطَلَّقُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ. Donc maintenant il a dit beaucoup de savants, voire même la plupart des savants disent que si jamais il ne tient pas sa parole, d'accord, si la parole n'est pas tenue, alors à ce moment-là, eh ben le divorce est effectif. Il doit divorcer sa femme. Il doit divorcer sa femme. وإن كان القول راجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بين كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو تصديق أو تكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل الله التحريم يمينا. Donc il a dit, mais la parole la plus juste, c'est que justement, lorsque ce genre de formules sont employées, alors cela prend le jugement d'un serment. Par exemple, quelqu'un dit cela, il dit, si jamais tu ne fais pas telle chose, ma femme est divorcée, lui son intention c'est de quoi? C'est de te pousser à faire la chose. D'accord? Ou alors, il va dire, masalan, un takzib. Dans le sens, il a dit, non, si un tel a dit telle chose, alors ma femme est divorcée. Par exemple, on lui dit, Zayd a dit telle et telle chose. Lui, il dit non. Zayd, il n'a pas dit ça. Et si jamais il a dit ça, alors ma femme est divorcée, par exemple. D'accord? Ou le contraire. Il confirme. Et autre. Donc, le shir dit que ce jugement-là sera le jugement de Yamin, d'un serment. Car Allah, dans le sens où il dit, ô toi, le prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Et tu recherches par cela l'agrément de tes femmes. Et Allah est pardonneur miséricordieux. Et Allah vous a déjà montré comment vous délier de vos serments. Donc dans le verset, et ça c'est surat al-Tahrim, l'interdiction, verset 1 et 2. Là c'est au moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'était interdit de manger du asel. Car ces femmes lui ont laissé entendre que cela laissait une haleine qui était désagréable, donc de là il ne voulait plus manger de rassel, de miel. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset là, ce que le Nabi sallam s'est rendu interdit, hein, et ben il lui a montré qu'il peut se délier de cela en faisant une expiation, comme quelqu'un qui ferait un serment. Même s'il a dit Wallah, il n'a pas dit Wallah plutôt, on va dire, mais son aniya, son intention, c'est celle d'un serment, donc de là Allah Azza wa Jal lui a montré l'expiation à faire. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là l'auteur? Que la personne qui fait ce genre de formule, en fait, son jugement, ça prend le jugement d'un serment. D'accord? Ça prend le jugement d'un serment, dont on a dit auparavant, soit il s'y tient, ou soit alors il expie, si Amin peut s'y tenir. ولكل النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا لم ينوي الطلاق وإنما نوى اليمين أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئ كفارة يمين وهذا هو القول الراجح. Donc il dit l'auteur, le shir, qu'en fait la personne quand elle a dit cela, quand elle a dit مثلاً si tu ne fais pas telle chose, مثلاً ma femme est divorcée, lui à la base sa niya c'est pas de divorcer en soi, mais c'est de t'imposer ou de t'empêcher de faire telle et telle chose. Donc cela prend le jugement du serment. Comme quelqu'un qui dirait, Wallah, tu feras pas ça. Car si jamais tu fais ça, alors moi je ferai telle chose. Ça revient à ça en fait. La personne a mis une niya de serment à ce moment-là. Donc ça prend le jugement du serment. Ça prend le jugement du serment. Selon la parole authentique de l'auteur. Donc ça veut dire que quelqu'un qui dit, soit il dit à quelqu'un d'autre, soit tu fais telle chose, ou soit je divorce ma femme, si jamais l'autre personne ne fait pas la chose demandée, alors lui, soit il divorce sa femme, ou soit alors il expie la faute, il expie son serment, en faisant, en nourrissant 10 pauvres, ou en les habillant, ou en libérant l'esclave. Et s'il ne peut pas, alors il jeûne 3 jours. Naam. قَالَ وَأَمَّا الْمَسْأَلَ الثَّانِيَا فَيَا الْحَلِفْ عَلَى غَيْرِهِمْ. Donc maintenant, la deuxième question maintenant, dans cette question-là, c'est le fait qu'ils ont juré en y impliquant quelqu'un d'autre dans leur serment. Ce serment n'est pas une chose qu'ils se sont imposés à eux-mêmes, mais qu'ils ont imposé à quelqu'un d'autre. Sawan kana zalika bit-talaq aw billah 'azza wa jall aw bi sifati min sifatihi, fa inna al-halifa ala ghayrik fi ihraj lahu. Wa rubbama yakunu fi darar 'alayhi wa huwa bila shakk la yakhlu min ihraj imma 'ala al-mahruf 'alayhi wa imma 'ala al-halif. Donc il a dit quoi? Cela va amener à quoi? Que tu jures par Allah, ou alors que tu fasses un serment par le divorce, comme on vient de citer à l'instant, ou autre, cela va amener à une gêne. Cela va amener à une gêne. Soit pour la personne à qui tu imposes cet acte, ou soit sur toi-même. Car maintenant, ta yamin, elle sera liée à l'acte de quelqu'un d'autre, et pas à toi-même. Yaqul fal mahrufu alayhi kod yaf'alu ma hulifa alayhi fihi ma tahammuli al mashakka. فيكون في ذلك إخراج عليه وربما لا يفعله. لما يجرى عليه من المشقة، فيكون في ذلك إلزام بالحالف بالكفارة، أعني إلزاما له بكفارة اليمين. Donc il a dit par exemple, quand tu jures, tu dis par exemple, si tu fais pas telle chose, ma femme est divorcée. C'est-à-dire que la personne se sentira obligée de faire la chose. Donc tu auras assuré l'hygiène. D'accord ? Donc cela n'est pas convenable de faire cela. Ou alors, s'il ne fait pas la chose, la gêne sera sur qui ? Sur celui qui aura juré. Qui à ce moment-là, ben, il sera obligé, lui, de faire une kafara. Parce qu'il est certain qu'il, lui, à la base, ne veut pas divorcer sa femme. Lui, ce qu'il veut, c'est que la personne fasse telle et telle chose, et non pas le divorce. Donc à ce moment-là, il va devoir faire une expiation. Donc là, il s'impose sur lui-même une gêne également. Donc jurer, ou faire un serment, en y ralliant les actes des autres, cela mène à une gêne. Soit sur la personne pour qui tu jures, ou soit alors sur toi-même. Et souvent ici au Yémen, t'en as, ils font ça. Il dit, ce midi tu viens chez moi. L'autre il dit, je peux pas, je suis occupé. Il dit, wallah, tu vas venir chez moi. Manger. Il se passe quoi à ce moment-là? Ben, la personne, pour elle, par rahma pour toi, elle va se sentir obligée de venir manger chez toi, alors qu'à la base elle ne pouvait pas. Là tu la mets dans la gêne, tu la forces à faire une chose qui à la base ne lui convenait pas. Mais elle, comme elle ne veut pas que tu fasses une expiation, comme tu as juré, elle va venir. Mais à la base, elle ne voulait pas. Donc, ce n'est pas correct de faire cela. Donc, les gens n'ont pas à jurer, enfin, le serment, en y ralliant, d'accord, les autres. En y ralliant les autres. En espérant que cela ait été clair. Parce qu'après, il parle également, après, du jugement de comment expier le serment. Et ça, on en a déjà parlé auparavant. Alhamdulillah.